بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. ملك الناس Le souverain des hommes. إله الناس Dieu des hommes. من شر الوسواس الخناس Contre le mal du mauvais conseiller, furtif. الذي يوسوس في صدور الناس Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. من الجنة والناس Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain.